Tout le monde à bord. Au port à la barrière. Zambé à moto ya bateau, bazanga bateau. Bossi à moka. Jacques Kamamboua. Gibusiri. Jolim Manga. Steve Mbouyi. Abin du Bakayoko. Jean-Philippe Mobila. Arfette Tokozo. Jolino Makelele. Tazaba Congolais. Isaba Congolais. Hugues Golondele. Tazaba Congolais. Isaba Congolais. Ebamboba Tazaba Congolais. Guigoya. Tazaba Congolais. Angoma Togolais. Tazaba Congolais. Il a bien l'artiste. Pitra. Professeur Joseph Yam Katsunga. Henriette Wambo. Adam Jean. Sam Pengombe. Angelo Central. Fernand Massala. Yeah.